Chapitre 61e. Monsieur de la Rochegude n'était pas au terme de ses ébahissements. En annonçant le refus d'Olivier, dont les auditeurs invisibles de la scène précédente étaient déjà instruits, le baron croyait les trouver dans la consternation. Loin de là, mademoiselle de Beauménil et Herminie, étroitement enlacées, s'embrassaient au milieu d'élan d'une joie délirante. « Il a refusé !» murmurait Ernestine avec un accent d'attendrissement ineffable. « Ah, je vous le disais bien, mon ami, monsieur Olivier ne pouvait tromper notre attente, » ajoutait Herminie. « Avais-je raison ? » reprenait à son tour le marquis, non moins enchanté. « Ne vous avais-je pas prédit, moi, qu'il refuserait ? Mais alors, pourquoi diable m'avez-vous demandé mon consentement avec tant d'acharnement ? » s'écria le baron exaspéré. Pourquoi m'avez-vous supplié, vous, marquis, vous, ma pupille, de faire cette inconcevable proposition, puisqu'elle devait être refusée ? À ces mots du baron, Ernestine quitta le bras de son ami, et la figure épanouie, radieuse, elle dit à son tuteur d'une voix touchante : « Oh, merci, monsieur, merci. Je vous devrai le bonheur de toute ma vie, et je vous le jure, je ne serai pas ingrate. » À l'autre, maintenant. S'écria le baron. « Mais vous n'avez donc pas entendu ? Il refuse, il refuse, il refuse !»« Oui, il refuse, » dit Ernestine avec expansion. « Noble refus, du plus noble des cœurs. »« Décidément, il s'en fout, » dit le baron. Puis il cria aux oreilles d'Ernestine. « Mais cet Olivier se marie, il ne veut pas de vous, son mariage est arrêté. Grâce à Dieu, » dit Ernestine. Et ce mariage n'a plus maintenant d'obstacle possible. Aussi, encore une fois, merci, monsieur de la Rochegude. Jamais, jamais, je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi dans cette circonstance. » Le bossu vint heureusement au secours du malheureux baron, dont l'étroite cervelle était sur le point d'éclater. « Mon cher baron, lui dit monsieur de Maillefort, je vous ai promis le mot de l'énigme. Je vous jure qu'il en est temps, marquis. Il est plus que temps de dire ce mot, sinon je deviens fou. Mes oreilles bourdonnent, ma tête se fend, mes yeux papillotent, j'ai des éblouissements. Eh bien donc, écoutez. Ce matin, votre pupille vous a déclaré, n'est-ce pas, qu'elle voulait épouser M. Olivier Raymond, et qu'elle voyait dans ce mariage le bonheur de sa vie. « Ah ça, vous allez recommencer ?» s'écria M. de la Rochegude en frappant du pied avec fureur. « Un instant de patience, donc, baron. Je vous ai dit ensuite que ce que vous saviez d'avantageux sur M. Olivier Raymond n'était rien auprès de ce que vous apprendriez sans doute. Eh bien, qu'ai-je appris ? N'est-ce donc rien que son désintéressement, que vous avez vous-même trouvé admirable, refuser la plus riche héritière de France pour tenir un engagement sacré ? Eh mon Dieu, oui, c'est admirable, superbe ! S'écria le baron. Je sais cela, du reste. Mais je vous répète que je deviendrai fou à l'instant. Si vous ne m'expliquez pas pourquoi ce refus, qui devrait vous consterner, vous et ma pupille, vous rend radieux, car enfin, vous vouliez marier Ernestine avec M. Olivier, certainement. Eh bien, il est comme un forcené pour en épouser une autre. Et c'est justement cela qui nous transporte, dit le bossu. C'est cela qui nous ravit, ajouta Ernestine. Cela vous ravit, qu'il veuille en épouser une autre ? S'écria le baron, exaspéré. Mais sans doute, reprit le marquis, puisque cette autre, c'est elle. Qui, elle ? Cria le baron. Mais qui, elle ? Votre pupille. Alors l'autre est ma pupille à présent. Certainement, reprit mademoiselle de Beauménil triomphante, cette autre, c'est moi. Encore une fois, baron, reprit le bossu, on vous dit que l'autre, c'est elle, votre pupille. Oui, c'est Ernestine, ajouta Herminie. C'est pourtant bien clair, reprit le bossu. À cette explication, encore plus incompréhensible pour lui que tout le reste, le malheureux baron jeta autour de lui des regards effarés. Puis il ferma les yeux, trébucha et dit au bossu d'une voix dolente « Monsieur de Maillefort, vous êtes sans pitié. Je crois avoir la tête aussi forte qu'un autre, mais elle est incapable de résister à un pareil imbroglio. Vous me promettez de me donner le mot de cette insupportable énigme, et ce mot est encore plus inexplicable que l'énigme elle-même. « Allons, mon pauvre baron, calmez-vous et écoutez-moi. »« Cela m'avance beaucoup, » dit le baron en gémissant. « Voilà un quart d'heure que je vous écoute et c'est encore pire qu'au commencement. »« Tout va s'éclaircir. »« Enfin, voyons. » »« Voilà le fait. » »« Par suite de circonstances que vous saurez plus tard, et qui ne changent rien au fond des choses, Votre pupille s'est rencontrée avec Monsieur Olivier, et il s'est fait passer pour une petite orpheline vivant de son travail. Comprenez-vous cela, baron ? Bien, je comprends cela. Après ? Par suite d'autres circonstances que vous saurez aussi plus tard, votre pupille et Monsieur Olivier se sont épris l'un de l'autre, lui continuant à ne voir dans Mademoiselle de Beauménil qu'une orpheline sans nom, sans fortune, et si malheureuse qu'il a cru être et a été, en effet, très généreux envers elle, en lui offrant de l'épouser lorsqu'il s'est vu officier. « Enfin !» s'écria le baron, triomphant à son tour et se dressant de toute sa hauteur. « Ernestine et l'autre ne sont qu'une seule et même personne. »« Voilà !» dit le bossu. « Et alors ?» reprit le baron en s'essuyant le front. « Vous avez voulu voir si Olivier aimait assez sincèrement l'autre pour résister à la tentation d'épouser la plus riche héritière de France. C'est cela même, baron. De là cette fable que Mademoiselle de Beauménil, ayant vu et entendu Olivier pendant son séjour au château lorsqu'il était venu pour des travaux, s'était éprise de ce digne garçon. Il fallait bien motiver raisonnablement par cette fable la proposition que vous vous étiez chargé de faire, baron, et vous vous en êtes tiré à merveille. Eh bien, avais-je tort en vous disant que M. Olivier Raymond était un galant homme ? Un galant homme ! S'écria le baron. Écoutez, marquis, je ne veux pas revenir sur le passé, mais je ne vous cache pas que j'étais loin de trouver ce mariage sortable pour ma pupille. Eh bien, je déclare, j'affirme, je proclame qu'après ce que je viens de voir et d'entendre, ma pupille serait ma fille, que je lui dirais « Épousez, monsieur Raymond, vous ne pouvez faire un meilleur choix. » « Oh, monsieur, je n'oublierai jamais ces bonnes paroles, » dit Ernestine. « Et ce n'est pas tout, mon cher baron. »« Quoi donc encore ?» dit monsieur de la Roche-Aigu avec une vague inquiétude, croyant qu'il allait être question d'un nouvel imbroglio. « Qu'y a-t-il ? » Cette épreuve a un double but. « Ah, et lequel ? Nous connaissons tellement la délicate susceptibilité de monsieur Olivier que nous avons craint qu'en lui révélant soudain que la jeune personne qu'il croyait pauvre était Mademoiselle de Beauménil, il n'eût d'invincible scrupule, lui, officier de fortune, à épouser la plus riche héritière de France, quoiqu'il l'eût aimée, la croyant la plus pauvre fille du monde. « Eh bien, ces scrupules-là ne m'étonneraient pas, » dit le baron. « D'après la fierté naturelle de ce garçon, il faut s'attendre à tout. » « Mais j'y songe. Cet inconvénient que vous redoutez, il existe toujours ?»« Non pas, mon cher baron. Pourquoi non ?»« C'est bien simple, » dit Ernestine toute joyeuse. « Monsieur Olivier Raymond n'a-t-il pas refusé d'épouser Mademoiselle de Beauménil, la riche héritière ?»« Sans doute, » dit le baron, « mais je ne vois pas. »« Eh bien, monsieur, » reprit Ernestine, « comment, monsieur Olivier, lorsqu'il apprendra qui je suis ?» Pourra-t-il craindre d'être soupçonné de ne faire qu'un mariage d'argent en m'épousant, puisqu'il aura d'abord positivement refusé ma main ? C'est-à-dire plus de 3 millions de rentes en terre, et ce, parlant à ma personne, s'écria le baron en interrompant sa pupille, c'est la vérité. L'idée est excellente. Je vous en fais mon compliment, marquis, et je dis comme vous. Monsieur Olivier eut-il une susceptibilité 1000 fois plus féroce encore, elle ne pourrait tenir contre ce dilemme. Vous avez refusé d'épouser 3 millions de rentes. Donc votre délicatesse est à jamais au-dessus de tout soupçon. N'est-ce pas, monsieur ? Dit Ernestine. Il est impossible que les scrupules de monsieur Olivier tiennent contre cela. Évidemment, ma chère pupille. Mais enfin, cette révélation, il faudra bien la faire tôt ou tard à monsieur Olivier. Sans doute, reprit le marquis, et je m'en charge. J'ai mon projet, et nous allons en causer tous deux, baron, car il se relie à certains détails d'intérêt matériel auxquels les jeunes filles n'entendent rien. N'est-ce pas, mon enfant ? Ajouta le marquis en souriant et en s'adressant à Ernestine. « Oh, rien, absolument, » répondit Mademoiselle de Beauménil. « Et ce que vous déciderez, vous, monsieur de Maillefort, et mon tuteur, je l'accepte d'avance. » « Je n'ai pas besoin, mon cher baron, » reprit le marquis, « de vous recommander la plus entière discrétion sur tout ceci, jusqu'après la signature du contrat, qui, si vous m'en croyez, et j'ai mes raisons pour cela, précédera la publication des bans. Nous le signerons après-demain, je suppose, ce n'est pas trop tôt. Qu'en pensez-vous, Ernestine ? Eh, monsieur, vous devinez ma réponse, dit la jeune fille, souriante et rougissant tour à tour, puis elle ajouta vivement. Mais ce contrat, monsieur, ne sera pas le seul à signer, il y en a un autre, n'est-ce pas, Herminie ? Cela pourra-t-il être autrement ? Dit la duchesse. « Monsieur de Maillefort pense comme moi, j'en suis sûr. » « Oh, certainement, » dit le bossu en souriant. « Mais qui se chargera, s'il vous plaît, de cette combinaison assez difficile ?»« Encore vous, monsieur de Maillefort, » dit Ernestine, « vous êtes si bon. » « Et puis, » ajouta Herminie, « ne nous avez-vous pas prouvé que rien ne vous était impossible ?»« Oh, quant aux impossibilités vaincues, » reprit le marquis avec émotion, « lorsque je songe à la scène qui s'est passée ce matin chez vous, ce n'est pas de moi qu'il faut parler, mais de vous, cher enfant. » En entendant ces mots du bossu, M. de la Rochegue fit plus d'attention qu'il n'en avait fait jusqu'alors à la présence d'Herminie et lui dit « Pardon, ma chère demoiselle, mais tout ce qui vient de se passer m'a tellement distrait que... »« M. de la Rochegue, » dit Ernestine à son tuteur en prenant Herminie par la main, « je vous présente ma meilleure amie ou plutôt ma sœur, car deux sœurs ne s'aiment pas plus tendrement que nous. » « Mais, » dit le baron fort surpris, « si je ne me trompe, mademoiselle, mademoiselle est la maîtresse de piano que nous avons choisie en raison de la délicatesse parfaite de ses procédés envers la succession de la comtesse de Beauménil. « Mon cher baron, » dit le marquis, « vous aurez encore bien des choses très singulières à apprendre au sujet de mademoiselle Herminie. »« Vraiment, » dit monsieur de la Rochegue, « et quelles sont ces choses singulières ?»« Dans notre entretien de tout à l'heure, je vous dirai ce que je pourrai à ce sujet. » Qu'il vous suffit seulement de savoir que votre chère pupille a aussi noblement placé son amitié que son amour, car en vérité, celle qui doit avoir pour mari M. Olivier Raymond devait avoir pour amie Mademoiselle Herminie. Oh, M. de Maillefort a bien raison, dit Mademoiselle de Beauménil en se rapprochant de sa compagne. Tous les bonheurs me sont venus à la fois et le même jour, dans cette modeste soirée de Madame Herbault. « La modeste soirée de Madame Herbault ?» répéta le baron en ouvrant des yeux énormes. « Quelle Madame Herbault ?»« Ma chère enfant, » dit le bossu, en voyant les ébahissements du baron renaître aux dernières paroles d'Ernestine, « il faut être généreuse et ne pas donner une nouvelle énigme à deviner à Monsieur de la Rochegue. » « Je me déclare d'avance incapable de la deviner, » s'écria le baron. « J'ai la cervelle aussi étonnée, aussi confuse, aussi étourdie que si je venais de faire une ascension en aérostat. Rassurez-vous, baron, dit en riant M. de Maillefort, je vais tout vous dire, sans mettre le moins du monde votre imagination à l'épreuve. Nous vous laissons, messieurs, dit Ernestine en souriant, puis elle ajouta, je crois devoir seulement vous prévenir, monsieur de la Rochegue, qu'Herminie et moi, nous avons formé un complot. Et ce complot, mesdemoiselles, comme il se fait tard, et que je deviendrai, j'en suis sûr, folle de joie en restant toute seule avec mon bonheur, Herminie a consenti à partager mon appartement jusqu'à demain matin. Nous dînerons tête à tête, et je vous laisse à penser quelle bonne fête. « Mais justement, mesdemoiselles, cela se trouve à merveille, » dit le baron, « car Madame de la Rochegue et moi sommes obligés d'aller dîner en ville. Allons, mesdemoiselles, bonne soirée, je vous souhaite. À demain, mes enfants, » dit monsieur de Maillefort. Nous aurons à causer de certains détails qui, j'en suis sûr, ne vous déplairont pas. » Les deux jeunes filles, laissant ensemble messieurs de Maillefort et de la Rochegue, descendirent légères, radieuses, et après un petit dîner auquel elles touchèrent à peine, tant ils avaient le cœur gros de joie et de bonheur, elles se retirèrent dans la chambre à coucher d'Ernestine pour s'y livrer seule à seule à tous les charmes du souvenir, à toutes les joies de l'espérance, en se rappelant les singulières vicissitudes de leurs amours et de leur amitié déjà si éprouvées. Au bout d'un quart d'heure, les deux jeunes filles furent, à leur grand regret, interrompues par Madame l'aînée qui se présenta après avoir discrètement frappé. « Que voulez-vous, ma chère l'aînée ?» lui dit Ernestine. « J'aurai quelque chose à demander à mademoiselle. »« Qu'est-ce donc ?»« Mademoiselle sait que M. le baron et Madame la baronne sont allés dîner en ville et qu'ils ne rentreront que fort tard. » Je sais cela, ensuite. Mademoiselle Héléna, voulant mettre à même les gens de l'hôtel de profiter de la soirée que leur laisse l'absence de monsieur le baron et de madame la baronne, a fait louer ce matin trois loges au théâtre de la Gaîté, où l'on donne les Maccabées, une pièce tirée de l'Histoire sainte. Et vous désirez aller voir aussi les Maccabées, ma chère l'aînée. Si mademoiselle n'avait pas besoin de moi jusqu'à l'heure de son coucher, je vous donne votre soirée tout entière, ma chère l'aînée. « Emmenez aussi cette pauvre Thérèse. Mais si mademoiselle avait besoin de quelque chose avant mon retour, je n'aurais besoin de rien. et il sera même inutile de revenir pour mon coucher. Mademoiselle Herminie et moi, nous nous servirons mutuellement de femmes de chambre. Allez, ma chère l'aînée, amusez-vous bien, et Thérèse aussi. Mademoiselle est bien bonne, et je la remercie mille fois. Du reste, si par hasard, mademoiselle avait besoin de quelque chose, elle n'aurait qu'à sonner à la sonnette de l'antichambre. Mademoiselle Héléna a dit à Placide de descendre et d'être aux ordres de mademoiselle si elle sonnait, tous les autres domestiques étant absents. « À la bonne heure, » dit Ernestine. « Je sonnerai Placide si j'ai besoin de quelque chose. Bonsoir, ma chère l'aînée. » La gouvernante s'inclina et sortit. Les deux jeunes filles restèrent donc seules dans ce grand hôtel désert, car il ne s'y trouvait alors ni domestique ni maître, à l'exception de mademoiselle Héléna de la Roche-Aiguë et Placide, sa suivante, qui, d'après les instructions de sa maîtresse, restait aux ordres de mademoiselle de Beauménil et d'Herminie.